Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé, une émission dans laquelle on retrouvera quelques petites nouveautés, Cryptworn, Maylist, Splitknuckle ou encore Narbeless. L'occasion d'ailleurs d'ouvrir l'émission de ce soir avec Splitknuckle, récente. Une dizaine d'années d'expérience maintenant pour la formation venue d'Angleterre. On est sur du hardcore bien vénère et bas du front, à la sauce Knuckles. On retrouve cependant des bons petits ralentissements un peu sludgy, ça vient vraiment enrichir la musique que nous proposent les Anglais. Un album plutôt généreux dans le style, hein, 40 minutes, une dizaine de titres. Et on s'écoutera le morceau Sharpening Teeth, extrait de leur second studio Breathing Through the Wound, une sortie Days Record, hein, le label ricain le plus spécialisé en la matière. Jared Fertilizer, ensuite, petit All-Star Band venu des US, ça vient du Maryland. On compte dans ses rangs notamment des membres de Full of Hell. Carceral Warfare, c'est le nom de ce nouvel effort studio qui sort chez Close Casket Activities. On s'écoutera le morceau Cell Warrior. Eh ben, c'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, let's go! Oh! La doublette suivante pour l'émission de ce soir eh bien, intègre encore une nouveauté. Il s'agira donc de Narbeless, groupe de black qui nous vient de Cuba. Originalement, parce que maintenant ils évoluent uniquement en Europe, plus précisément en Espagne. Ils viennent de sortir leur 6e album en 15 ans d'activité. Un black toujours aussi bien exécuté, froid, viscéral, fortement inspiré par la Norvège, hein, Toqué, Satyricon, etc. Et, histoire de parfaire la chose, on a une cover à la fin de l'album de Satyricon. On aura ensuite Lies, groupe de hardcore venu de Hollande, formé au début 2010. Ils viennent de sortir là leur deuxième effort studio. Voilà, le groupe avait splitté en 2012, ils se sont formés il y a 2 ans. Et voilà, plutôt efficace et prolifique. Dans la veine d'un hardcore métallique à la sauce Terror, Allout War, Marauder. Et on retrouve un artwork signé Hugo, le gueulard de Warsdopt, histoire de finir de présenter le style musical dans lequel évolue la formation hollandaise. Au niveau de la musique, on va s'écouter Narbeless, le morceau To Step Beyond the Veil, extrait album Pelcrone. Lies, ensuite Resurrect, enchaîné à World Inferno, extrait de l'album Mind Pollution. Et tout ça, c'est parti. Pour la suite, tout d'abord Cryptworm, alors je les annonçais en nouveauté, j'ai juste mes yeux qui ont fourché sur mes petites notes. Cryptworm, ça fait déjà quelques temps qu'on se les diffuse, hein, du bon groupe Putrid Death qui nous vient également d'Angleterre, également actif depuis 10 ans. Ils viennent de sortir là leur second effort studio, 6 compos qui font toutes 5 généreuses minutes, un death sale, baveux, vraiment cavern death, dans la bonne grosse veine des Undergang, Autopsy et autres Cerebral Rot. Voilà, aussi bien musicalement que vocalement, donc à découvrir et à s'en délecter avec un infini plaisir, Cryptworm. Maylist en cite un one-man band qui nous vient de Russie, c'est pas souvent qu'on en a depuis quelques temps des groupes russes. C'est du black, ça vient plus précisément de Moscou, actif depuis 2017, et c'est déjà le cinquième effort studio qui vient de sortir. 6 titres pour environ 45 minutes. On est sur un black plutôt atmo, enrichi à coups de synthé et même de piano. On alterne les moments vraiment rugueux, frontaux et viscéraux, avec d'autres un peu plus majestueux et mélancoliques. C'est très travaillé pour un projet solo, la prod aussi bien que les arrangements, et le titre de ce soir c'est plutôt un mid-tempo, et là on est plus sur une approche atmosphérico-mélodique. Au niveau de ce qu'on va s'écouter plus précisément, Cryptworm Oozing Radioactive Vomition, extrait de l'album du même nom. Ensuite Maylist Ode to the Night, extrait d'album Of Scorched Earth, et c'est une sortie Avant-Garde Music, et c'est parti. We'll be right back. Et la doublette suivante nous fait déjà attaquer l'aspect française dans l'émission Hellbanger de ce soir. On aura tout d'abord, en fait c'est presque une doublette de One Man Band. Tout d'abord Embryo Pacia, groupe qui nous vient du sud Touraine. On est sur du Blasting Slam Grind, Drowning in Suffering, l'album que l'on attendait plus, si l'on peut dire, parce que dans Embryo Pacia, La Tête Pensante, c'est surtout Grand Guy de Pulmonary Fibrosis. Et plein d'autres, une sortie sur le label Pathologically Explicit Records. Je disais presque One Man Band parce que c'est vraiment le seul membre actuellement porteur du projet, et il a tout enregistré de mémoire à part les guitares. On a ensuite Ruine, là ça nous vient de Bordeaux, on est sur du black ultra haineux, formé par un membre d'anciennement Natremia, Cult of the Horn, etc. Le groupe propose des lives, hein, cependant, un petit line-up de mercenaires autour du bonhomme. Chapter 2, The Flame, The Fallen, The Fury, c'est le nom de ce second effort studio. Une sortie, Les Acteurs de l'Ombre. On s'écoutera le titre intitulé Part 6. Et juste avant ça, doublette Embryo Pacia, Breeding the Shredded Corpse, enchaîné à Syndrome of Inopexia. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, toujours dans l'aspect française. Tout d'abord Dunwich Ritual, et puis un autre groupe cryptique. Hein, après Cryptworm, on passera à Cryptic Process. On est sur une doublette de nouveautés dans cette petite spé française. Donc on va prendre le temps de se présenter tout ça. Tout d'abord, le premier groupe d'ouverture de cette doublette, Dunwich Ritual. C'est un groupe de speed qui nous vient d'Île-de-France, actif depuis seulement 2022, hein, tout récent. Et là, on a donc eu une sortie d'album, 8 titres, sur une ambiance lovecraftienne. Et un peu comme Destruct qu'on vient juste de vous diffuser, le groupe est emmené par une femme. Elle fait le chant et les claviers. On est sur un speed assez épique, avec même une approche cosmique, c'est pas banal. Et globalement, musicalement, ça reste quand même très old school. Cryptic Process, ensuite un groupe qui nous vient du nord de la France, Valenciennes pour être plus précis, actif pareil depuis très peu d'années, 2020. Et là on est sur du Brutal Death à la sauce grind, un petit duo d'expérimentés, hein, cependant on a un ex Unsu sur le chant et multi-instrumentiste, un membre de Trap and Dead. Donc voilà, c'est 100% la scène vénère valenciennoise. Mi-décembre 2023, donc un petit 9 titres pour une trentaine de minutes d'un bon gros Brutal Death avec dans ses influences citées Nécrophagie, Cryptopsy, Dying Fetus et même Infant Annihilator, c'est pour l'approche un peu plus moderne. On sent les influences et leur expérience sur l'ensemble de l'album, ça défonce du début à la fin. Pour la musique, on va donc s'écouter Dunwich Ritual avec le morceau Hyperborean Rites, extrait d'album The Weird Tapes Sessions, une sortie Jawbreaker Records. Cryptic Process, le morceau Bleat, extrait d'album Human Snack, une sortie sur le label justement du nord de la France, Drowning in Chaos. Et bonne écoute. We'll be right back. Abduction et Disgorgé de Fœtus. C'est la doublette à venir. Abduction, tout d'abord, qu'on vous a déjà présenté, une récente signature de Frozen Records. On est sur du black prog, actif depuis bientôt 20 ans. Le 4ème effort studio vient donc de sortir sur le label nantais. On peut rapprocher ça d'un Véhémence Auriac un peu plus prog, hein, pour la dimension vraiment épico-médiévale. Immense richesse vocale avec des textes en français, des passages en chant clean, voilà, pour donner une ambiance encore plus théâtrale et grandiloquente. Et ouais, histoire de mettre la touche finale à cet effort, à la fin de l'album, on a une cover de Mylène Farmer, histoire de bien noter le côté grandiose et très théâtral de la musique de Abduction. Disgorgé de Fœtus, ensuite, c'est du grain qui nous vient de Langres. Mi-décembre, le premier véritable album est enfin sorti, après une volée de split, démo, EP, etc., qui remonte à plus de 20 ans, puisque le groupe a fait ses premières armes en 96. A noter un split de 11 ans cependant, entre 2006 et 2017. Et puis, voilà, un album vraiment généreux, un 21 titres pour quasiment une heure de gore grind bien old school. C'est sale, c'est violent, et il y a tout ce qu'il faut, oui, en termes de samples. C'est absolument une réussite, cet album de Disgorgé de Fœtus. Pareil, un album qu'on n'attendait plus. Abduction, on s'écoutera le morceau Contre les Fers du Ciel, extrait de l'album Toute Blesse, la dernière tue. Disgorgé de Fœtus, Purulent Orgasmic Vaginal Fluids, on vous avait prévenu. Extra album, Obscene Utter Gore Annihilation. C'est parti.